Daniel, je sais pourquoi. Chapitre 6. Voyage spirituel. Tout était blanc autour de moi. J'avais l'impression de voler au milieu des nuages. Je dis « impression » car je sais qu'il n'y avait pas de nuages, mais il était question d'une énergie méconnue. Mon mental était riche de nouveaux termes, de nouvelles conceptions. Je n'avais pourtant suivi aucun cours particulier, mais je comprenais certaines théories employant des mots bien à propos. J'étais heureux de cette situation et les souvenirs de mon enfance martyre m'étaient devenus lointains, comme le sont les vieilles choses que quelquefois nous aimons manipuler, nettoyer et regarder, mais qui nous laissent un profond sentiment d'inutilité et d'encombrement. La vitesse avec laquelle je me déplaçais créait un courant d'air, j'en ressentais une force, une résistance à la pénétration au niveau du front. Mon corps était rempli de frissons. Je savais aussi que ma position était horizontale. Mes bras pendaient et mes jambes étaient repliées vers l'arrière. Je percevais mon guide, là, à mes côtés. Je n'en voyais qu'une forme vaporeuse. Sa tête était cependant bien définie. Il avait cette fois-ci de longs cheveux s'étirant vers l'arrière. Plusieurs de ses mèches, telles des éclairs, partaient en tous sens, méconnaissant, semble-t-il, la force de notre déplacement. Son regard n'était qu'amour. Un regard indéfinissable, profond et scrutateur. Son sourire était angélique, bien que dessiné par aucun trait. C'était un ensemble que nous ne pouvions séparer et mesurer. Son cœur battait en sa poitrine, c'était extraordinaire. L'émulsion qu'il propulsait se propageait de tout son long pour sortir de son corps, laissant une traînée ondulante derrière lui. En me retournant, je ne percevais rien, aucune profondeur, que ce blanc cotonneux. Pourtant, je savais que nous bougions, mais je n'évaluais pas le sens. Cette situation m'avait fait perdre pendant quelques instants le sens de mes épreuves, mais très vite, je me souvins de la triste expérience que nous avions vécue avec mon père. J'étais décidée à en savoir plus et voulus poser quelques questions à mon guide. Celui-ci, connaissant mes moindres pensées, dit en me regardant « Daniel, tu es interrogatif et meurtri. La vie de ton père t'affecte encore. Tu voudrais pouvoir l'aider comme le fait Sébastien. » « Oui, parlons-en de Sébastien, dis-je. Comment fait-il pour l'approcher et le toucher? Comment arrive-t-il à se faire entendre alors que pour moi, aucune matière ne semble pondérable ?» Mon guide répondit « Daniel, l'esprit peut tout. Rien ne lui est caché et tout lui est donné. Les privations ou les impossibilités apparentes l'empêchant de suivre son instinct ne sont que relatives. Un discours que je t'ai déjà tenu. Ton entendement terrien commande tes pensées. Ta raison détermine des actes qui ne sont pas pondérables pour ta réalité spirituelle et inversement. Car ton propre esprit peut et pense autre chose. Tu ne pourras donc accéder à la réalisation de tes vues et ambitions que lorsque tu contrôleras ta raison humaine relative à une planète, à une famille sympathique. « Vous voulez dire, rajoutai-je, que Sébastien écoute plus son cœur que sa raison ?»« C'est un peu cela, continua mon guide. Mais tu as aussi remarqué que, malgré un souci égal d'aider cet esprit, tu as glissé sur les atomes comme le vent dans le désert sans pouvoir l'atteindre. Aucun obstacle apparent n'était une frontière pour toi, un état relatif que tu dois comprendre. » Car, à la différence de Sébastien, tu as agi par réflexe sans écouter ton cœur. C'est pour cela que nous évoluons ici ensemble. En écoutant ces mots, je pensais soudain à ma situation présente et voulus comprendre ce voyage. « Que faisons-nous là ? » demandai-je. « Bougeons-nous ? Voyageons-nous d'un endroit à un autre ? Sommes-nous dans le monde des esprits ? Dois-je faire attention à mes sens et occulter ce que je vois ?» « Pas tout à fait, disait mon guide, car tes sens spirituels s'éveillent et tu découvres peu à peu la réalité. Il faut pourtant encore relativiser tes jugements, car ta raison est encore inexacte. Je veux maintenant aider les miens. Comment faire? Je sais que Sébastien est heureux, que mon père souffrant va bientôt retourner chez les esprits et que ma mère est perdue dans l'astral. » « Daniel, disait mon guide, encore des évaluations d'hommes. Comprends que les situations bénéfiques, comme les maléfiques, sont relatives et ne sont déterminées par aucun endroit ni jugement divin. Sache que ton père n'est pas laissé seul et jeté au feu de l'enfer, que ta mère n'est pas perdue et que tu jouis du même bonheur que Sébastien. Toutes ces évaluations chargées de repères imparfaits sont des caches t'obscurcissant la réalité. » Les esprits dont tu parles sont tout près de toi et peuvent apparaître, comme toi-même pourrais leur apparaître. La forme que prennent les choses et les êtres est un outil et non une condition autonome. Essaye encore de comprendre. Tu crois que nous nous déplaçons, tu ressens un mouvement, tu le détermines par une résistance. Mais sache, Daniel, que nous n'inscrivons aucun mouvement dans ce que tu appelles l'espace et que s'il te plaisait, tu pourrais percevoir tout autre chose que ces nuages neutres et sans fondement. Cet environnement n'est qu'un outil fonctionnel n'attendant qu'une suggestion pour la matérialiser. Vous me dites que je n'ai qu'à demander, rajoutai-je. Pourtant, jusqu'ici, je n'ai vu et ressenti que des choses imposées. Tu te trompes, reprit mon guide, rien ne t'est imposé. N'oublie pas que ta raison humaine ne contrôle pas l'attitude primordiale et préexistante de ton esprit. Je ne comprends pas, continuai-je, pourquoi cette différence entre l'esprit et ma raison, tous deux siègent de ma personne ? Daniel, il n'en existe pas et ne cherche pas à en trouver une, car c'est ainsi que l'on crée des distances et c'est justement ce qui arrive pour toi. Tout à coup, à peine la pensée de mon guide terminée, les formes blanches qui nous entouraient disparurent, laissant alors apparaître un spectacle extraordinaire. J'étais dans la nuit étoilée, où la lune m'apparaissait énorme, une boule gigantesque parsemée de trous et luisante comme du phosphore. En moi-même, je me demandais pourquoi cette planète était aussi proche. Des souvenirs accompagnaient cette vision. Intervenant sur mon étonnement, mon guide me dit « Oui, c'est effectivement la lune, mais elle n'a pas bougé de son orbite. C'est toi qui, spirituellement, t'en es approché. » « Comment cela ? » demandai-je. « Comment suis-je venu jusqu'ici sans avoir décrit aucun déplacement ?»« Apprends-toi à élargir ta vision, Daniel, » continua mon guide. C'est alors que je découvris une autre boule, trois fois plus grosse que la lune et toute bleue. Quel spectacle ravissant ! Cette sphère magnifique était entourée d'un halo turquoise. J'étais stupéfait et sans réaction. « C'est la Terre, Daniel, l'endroit où tu as vécu et péri par ta mère. » « La Terre, pensais-je, mais elle est ronde. Comment donc les choses restent-elles sur sa surface ?»« Vois-tu, Daniel, reprit mon guide, tu sembles surpris. Pourtant, ton esprit connaît cette planète et sa pesanteur. Ta méconnaissance apparente est un résidu terrien. C'est la résultante d'une raison étriquée et juvénile, escamotant l'exaltation de la vérité. » Fixe la Terre avec ton cœur, l'amour, et tu recevras d'elle un message de vie et de paix. J'étais interloqué, un millier de questions venaient à mon esprit. Devant de telles possibilités, je m'imaginais toutes sortes de découvertes et la résolution de toutes sortes de mystères. Ma confusion était cependant grandissante et le remords d'avoir laissé ma famille envahissait mon entendement. Un pincement au cœur me survint alors, à l'ombre de ce spectacle lumineux. Attentionné, mon guide me dit « Daniel, ressens-tu comme ce remords est puissant ?» Comme il t'appelle, même à 300 000 km de la Terre, te sollicitant de retourner vers elle. Je te le dis, peu à peu, ce remords se transformera en corps de chair avec lequel tu pousseras de nouveau ton premier cri. Ces mots me faisaient peur. Je ne voulais pas retourner sur Terre, ni endurer les souffrances que l'on y trouve. Sa beauté me devenait alors moins évidente. « Tu n'as pas tout à fait tort quant à la Terre, » dit mon guide. « Mais Daniel, les tiens ont besoin de toi. » Comme tu as besoin d'eux. Les miens ont besoin de moi. Je vous le disais alors que vous m'inspiriez de penser à mon évolution, argumentai-je intelligemment. Oui, bien entendu, sourit mon guide. Je vois que mes conseils portent leurs fruits. Je comprends tes rétorques et ne veux pas m'interposer à tes souhaits. Mais je veux te permettre d'y accéder selon les lois divines. Je te poserai cette question. Que veux-tu faire ? Cette question m'était adressée avec un large sourire, j'en ressentais même une pointe d'humour. Je ne pus alors m'empêcher de rire et je crois bien que mon guide en fit autant. Mais je ne savais quoi répondre, me rappelant que je ne devais pas me fier à mes visions, mais au sens absolu des choses. Je ne sais pas quoi vous répondre, vous me troublez. D'un côté, l'espace est la découverte de l'univers, de l'autre, la Terre et les miens. J'aimerais connaître et ne pas me réincarner de suite. « Ô Daniel, dit mon guide, Dieu est bon, car il permet cela. Mais tu es attendu pour un travail spécifique qui servira les hommes du XXIe siècle. » Ces paroles étaient bien mystérieuses. Je savais aussi que je ne pouvais espérer plus. Mon guide n'était pas à la disposition de mes caprices. C'est alors que nous descendîmes vers la Terre. Son horizon courbé se redressait pour s'aplanir. Les détails de sa surface devenaient de plus en plus appréciables. Bientôt, nous traversâmes nuages et atmosphères, nous atterrîmes dans un paysage désertique où la végétation était rare, presque inexistante. Je pouvais voir ramper quelques serpents et courir péniblement dans le sable des scorpions bataillant pour le gain du cadavre d'un quelconque animal. Un inquiétant paysage se présentait là. « Où sommes-nous ? » interrogeai-je mon guide. « En Égypte, Daniel, et je t'emmène dans la vallée des rois et ses alentours, là où les hommes construisirent de véritables témoignages retraçant le périple et la vie des esprits venus sur terre. » C'était captivant. Je suivis mon guide avec intérêt. Il survolait le sol en accompagnant les reliefs de celui-ci. Ses changements de direction étaient francs, comme ceux d'un insecte survolant les fleurs. Il me dit « Regarde bien, comprends-tu là où je veux en venir ? Écoute donc ton cœur, car c'est lui qui a dirigé notre route. » Au fur et à mesure que nous avancions vers notre destination, nous rencontrions d'autres esprits semblant vaquer à leurs occupations. Pourtant, une certaine différence existait entre eux et nous, c'est qu'ils évoluaient dans le paysage terrestre. Ils se trouvaient tout à la fois chez les incarnés et dans le monde des esprits. Du haut de leur tête s'émancipait une sorte d'entonnoir croissant vers l'infini du ciel. À plusieurs reprises, ces esprits croisèrent notre route sans nous prêter attention, comme si nous n'existions pas, et ceci malgré mes efforts à les interpeller. Mes actes étaient vains, et ces êtres mystérieux à l'allure humaine continuaient leur chemin, glissant dans l'espace comme le poisson dans l'eau. Revenant vers moi, mon guide me dit « Ne sois pas étonné et contrarié de cette attitude d'indifférence, car ils ne te perçoivent pas. Ils vivent une autre expérience que la tienne, existant dans un autre espace et sous une autre sympathie spirituelle. » À ceci, je rétorquai « Si je les perçois, pourquoi eux ne me voient-ils pas ? Ai-je donc plus de facilité ?»« Tu ne possèdes pas plus de faculté ou de pouvoir, » répondit mon guide, « mais un objectif différent. Sache que le déterminisme est un puissant facteur existentiel. La matière est, quant à elle, une prolongation du désir spirituel. Ces esprits pourraient te voir et te parler, mais là n'est pas leur objectif. Tu pourrais également les interpeller, leur imposer ta voix, mais ton cœur en a décidé autrement et les désirs humains n'ont ici aucun poids. » Après avoir fini son explication, mon guide attira mon attention sur un autre esprit fort intéressant, me disant « Regarde celui-ci, Daniel, vois comme il se déplace. » En effet, cet esprit devait très certainement être en difficulté. Ses déplacements ressemblaient à ceux d'une plume qui serait prise dans un courant d'air. Tantôt à droite, puis à gauche, il tournoyait et virevoltait, ayant alternativement la tête en bas, puis en haut, tout ceci avec un air sérieux et scrutateur. Cet esprit avait les sourcils froncés, le visage penché en avant comme pour guetter quelque chose. Mais objectivement, il avait quelques difficultés à se déplacer, d'autant plus qu'il était, semble-t-il, attaché à un cordon ou un fil qui, au gré de ses mouvements, s'enroulait autour de lui, mais toutefois sans jamais en être gêné. Ce lien semblait indestructible, je ne pouvais en voir le bout, se perdant dans l'horizon. Mon guide m'expliqua. « Daniel, ceci est l'extériorisation spirituelle d'un esprit incarné sur terre. Ce lien le relie à son corps de chair qui se trouve en Europe. » La forme que tu constates n'est pas systématique et varie selon les individus. Cet homme vit là une spiritualité amoindrie, ne percevant pas toutes les nuances du monde des esprits, et le jour de sa mort, d'autres paysages que celui-ci souffriront à lui. Un homme vivant, pensais-je, qui a réussi à propulser son esprit jusqu'ici ? Je voulus alors l'atteindre, mais me sentis retenu. « Non, dit mon guide, tu ne dois pas intervenir dans ce voyage. » D'ailleurs, cette entité ne comprendrait pas le sens de tes mots. Vous voulez dire qu'il pourrait m'entendre ? Oui, Daniel, il le pourrait, mais les circonstances ne s'y prêtent guère. Plus tard, nous visiterons d'autres hommes aux capacités équivalentes que nous appelons médiums ou prophètes. Oui, répondis-je, je connais les prophètes et les mages. Ma mère me contait leurs fabuleuses histoires et notamment celle du Christ. Existe-t-il d'ailleurs un Christ ? À ces mots, mon guide devint lumineux, éblouissant, et me dit « Oui, Christ existe, plus proche de toi que moi-même. » Ces mots me réconfortèrent, bien que l'état dans lequel s'était plongé mon guide m'interrogeait. Continuant notre voyage, nous traversâmes alors une immense vallée, circonscrite par plusieurs édifices plus beaux les uns que les autres. Soudain, mon guide me dit « Vois ces mastabas, Daniel, ces temples et ces tombeaux. Ce sont les témoignages d'une communication. » Ils sont édifiés à la base de la spiritualité, aujourd'hui laissés pour compte. Mais leur puissance reste fonctionnelle. Mes yeux, ou plutôt ma conscience, étaient rivés sur ces choses. Quant à ma raison, elle restait interrogative. En effet, j'avais grande difficulté à soutenir mon attention, troublée, ne définissant plus ce qui était matériel, terrien, de ce qui devait être spirituel. Tout ici se confondait, se superposait parfaitement à la manière de fabuleuses copies. Une statue, par exemple, avait son double spirituel, ou inversement, sans que je puisse sonder laquelle était antérieure. Néanmoins, je pus évaluer, à force de concentration, une légère différence qui me permit de reconnaître la construction spirituelle de celle matérielle. Les monuments de pierre étaient usés par le temps, tandis que les édifices spirituels demeuraient intacts. Ces derniers étaient bleus électriques, d'immenses rayons s'en échappaient, partant de leur base jusqu'aux régions insondables. C'était magnifique. Il y avait des faisceaux de toutes les formes, ronds, carrés, rectangulaires, montant sans jamais faillir dans une parfaite symétrie. Ces rayons semblaient sortir de terre et les monuments de pierre en matérialisaient l'emplacement invisible aux hommes. Mon guide, se trouvant à mes côtés, me dit « Daniel, tu n'es pas loin de la vérité. Il faut alors parfaire ton intuition. Cet endroit est une porte temporelle vers d'autres dimensions et univers. Les faisceaux qui en sont les accès sont préexistants à ce site et même à cette planète. En fait, ces rayons sont des champs de force éternels qui quadrillent les univers et les espaces, les rendant ainsi solidaires les uns des autres, donc interactifs. Ce sont de véritables ponts entre les régions habitées de l'éternité. La Terre est l'un de ceux-ci. Elle est traversée de ces faisceaux en plusieurs endroits. Certains hommes à la haute spiritualité et en recherche du divin localisaient ces portes et y construisaient des monuments, selon une représentation matérielle qui leur était propre. Ce que tu vois possède donc deux dimensions, une terrienne, l'autre spirituelle. Les formes matérielles ont un double aspect qui n'est en fait que l'idéologie de l'esprit qui voulut ces statues. Avant de les tailler dans la pierre, elles existaient spirituellement par les esprits de leur créateur. Tu es donc en face de l'idée qui déterminait le mouvement. L'homme vit d'esprit avant d'exister matériellement. Tu avais raison lorsque tu constatais que le temps n'avait eu aucun impact sur ces choses et elles demeureront éternellement. Le monde terrestre pourrait être détruit, sa spiritualité, sa matrice resterait sans défaut. Ses forces, ceux-ci t'ont servi à la communication tangible des hommes de tout l'univers et des désincarnés. Plusieurs noms ont été donnés à ces voyageurs, le plus connu étant Elohim. Le discours de mon guide me captivait. Ses pensées s'engouffraient avec force dans le plus profond de mon être, trouvant une place qui semblait être là depuis toujours. Rien ne m'étonnait, et devant cette double vision où le matériel et le spirituel se rejoignaient pour s'émanciper dans l'insondable, je me sentais pris d'un puissant frisson. Celui-ci finissait par changer la couleur de mon corps. Je m'éclaircissais. Nous avançâmes encore et là apparurent devant nous six autres monuments, dont trois gigantesques. Une stature impressionnante et mystérieusement silencieuse. Une impression révélatrice qui devait cacher mille choses, mille enseignements. Là aussi existaient deux aspects d'une même chose, à cette différence que ces monuments étaient au milieu d'un rayon blanc éblouissant. Ce rayon était courbé, plongeant dans l'éternité spirituelle. C'était tout à la fois beau et effrayant. « N'aie pas d'appréhension, Daniel, » dit mon guide. « Tu es devant l'une des plus puissantes portes dimensionnelles où toute matière peut échapper à l'étreinte du temps et de l'espace. Ce que certains appellent les veines de Dieu. Il y a ici une forte migration. Des millions d'esprits empruntent cette porte ascensionnelle et les hommes d'hier, qui en connaissaient le principe, sont partis par là. » En y regardant bien, je percevais dans ce rayon un incessant défilé d'entités, comme aspirées vers ce que je croyais être le haut. Ils sortaient de terre ou de la base de la pyramide usée et cassée. Voici Khéops, Daniel. L'homme a été inspiré par Dieu pour la pensée, bien que la difficulté de construction l'en éloignait quelquefois. Elle est située sur le trajet d'une forte énergie qui lui confère son identité, sans quoi elle ne serait qu'un amas de pierres sans utilité. Sa construction repose sur des lois divines. Veux-tu suivre cet élan spirituel que tu perçois en son sein? Veux-tu franchir cette porte boudée par l'abrutissement matériel? Mon hésitation fit sourire mon guide, mais ma soif de découverte était alors plus forte. Soudain, je me sentis irrésistiblement attiré vers ce rayon. Le pénétrant, je me retrouvais au milieu de ce transit spirituel, accompagnant les entités vers une destination inconnue, mais très certainement révélatrice. Ce voyage était doux. Mon être entier en ressentit de la fraîcheur et du soulagement. Ma fatigue, ou du moins celle que j'évaluais alors, disparaissait au fur et à mesure de notre ascension. Il y avait avec moi de nombreuses entités. Certaines se transformaient ou disparaissaient complètement d'une manière spontanée, laissant à la même place de petites étincelles, emportées par le mouvement et venant s'éteindre comme les blanches et étincelantes parois de ce faisceau, de ce tunnel ascensionnel. J'étais dans un état indescriptible, hilar, excité, de bonne humeur. Je savais que ma destination allait être captivante et instructive. Pendant ce voyage, je pensais à ma famille, à ma jeunesse, ma vie passée et mes tourments. Malgré mes états d'âme, j'étais grisée, subjuguée par l'aboutissement de ce voyage. En existait-il seulement un ? Où ce rayon m'emmenait-il ? Vers l'éternité ou vers Dieu ? La parole de mon guide revenait en ma conscience. Ainsi, je savais que cette énergie était divine. Cela m'émouvait. Allais-je rencontrer Dieu Tout-Puissant ? Me dirigeais-je au paradis ? Oh mon Dieu, je jubilais et je voulais que mon guide vive ma joie et qu'il m'apaise de mes craintes. En me tournant, je cherchais mon protecteur, mon maître, mon professeur, mais je ne perçus qu'une masse d'esprits au sourire radieux. À mes côtés se trouvait une entité au visage de femme avec des courbes harmonieuses semblant parfaites. Je me sentais étranger au milieu de tous ces esprits qui ne semblaient pas faire attention à moi. Ils se sentaient seuls au milieu de la masse, vivant un état différent. Soudain, une forte lumière orangée apparut au loin derrière moi. Elle survolait le cortège spirituel, le traversant même quelquefois sans l'ébranler. Cette chose étrange volait en zigzagant, s'entrechoquant contre les parois du faisceau, comme une bille de bois dans une ornière. Je finis par être effrayée. Cette boule orange s'avançait rapidement vers moi, tout en oubliant la foule. Mais, à y réfléchir, cette chose ne devait pas exister dans notre dimension spirituelle. Elle me traversa alors de la même manière, dans un bruit impossible et strident. Au passage, j'eus le temps de m'apercevoir qu'elle était creuse et qu'à l'intérieur existaient plusieurs individus fort étranges. Puis, cette boule continua son chemin en se perdant dans l'infini de ce rayon. Ce fut une étrange expérience. J'eus beaucoup de difficultés à évaluer la chose qui venait de se passer. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Soudain, j'entendis à nouveau la voix de mon guide. Il me disait « Daniel, la matière existe en plusieurs degrés de densité et de constitution. Ce rayon est pondérable pour toi, quant à moi, il l'est d'une autre façon. Les valeurs constitutives sont relatives. La chose que tu as vue était matérielle, comme l'était ton corps de chair. Elle empruntait les portes des univers pour aller d'un endroit à un autre. C'était une sorte de vaisseau véhiculant des êtres humains vivant dans une région lointaine de la Terre. » Mais Daniel, il est temps que tu sortes d'ici. Bifurque donc vers ta droite, j'ai quelque chose à te montrer. J'entendais bien la voix de mon guide, mais ne le percevais pas. Il n'était pas à mes côtés, pourtant son discours résonnait fortement en moi. « Mais où êtes-vous » demandai-je. « Ici, Daniel, » répondit-il, « à tes côtés. N'oublie pas, le mouvement n'est relatif et actif qu'à travers le choix de nos objectifs. » « Mais comment sortir d'ici ? » réclamai-je. « Ne l'attends pas, ne le désire pas. » Mais vis-le simplement et tu y parviendras. » À ces mots, en effet, je fus propulsée hors de ce faisceau par une force considérable. Derrière moi, encore secouée par mon passage, je perçus de nouveau ces petites étincelles. Je compris ce que j'avais aperçu dans le tunnel. Remis de ma sortie, je scrutais les alentours de ce rayon. Mon guide, resplendissant, m'attendait là, statique, droit et digne. Son sourire, ses enseignements m'étaient devenus irrésistibles. M'approchant de lui, je voulus l'enlacer. Hélas, mes mains et mes bras le traversèrent. Mon guide me dit « Daniel, ton cœur s'éclaircit et l'amour te porte bien haut, mais maintenant, écoute et regarde. » Je perçus alors un ciel étoilé au milieu duquel était un nuage opaque, semblant par endroits cotonneux. Nous avançâmes vers lui et le traversâmes avec une vitesse époustouflante. Nous perçûmes alors une immense boule de feu semblant en éruption. « Mais qu'est-ce que c'est ? » demandai-je. « C'est le soleil du système où se trouve la Terre, l'astre lumineux, source de la vie biologique. C'est une entité intelligente, mais non selon les critères humains. Ce n'est pas là l'objectif de cette remarque. Je veux en fait attirer ton attention sur ce qui se passe ici matériellement. Ce ciel est celui de la constellation où existe ta planète. Ce soleil, tu le connais. J'étais troublée. Moi qui pensais découvrir d'autres horizons, je me trouvais de nouveau dans l'espace de la Terre. Je demandais, « Nous avons tourné en rond ?»« Non, Daniel, » répondit mon guide, « tout au contraire. Tu as franchi des distances astronomiques et tu perçois là l'empreinte du passé. Car aujourd'hui, en cet instant, la Terre n'existe plus, tout comme les autres planètes de son système. Les satellites du Soleil ont fini par se fondre en lui. « Comment cela ? » gémis-je. « Vous voulez dire que la fin du monde existe ?» Tout en souriant, mon guide répondit. « En quelque sorte, oui, Daniel. Ton voyage dans ce rayon t'a fait parcourir plusieurs milliards d'années durant lesquelles la vie sur Terre suivait son cycle évolutif. Quel effroi ! Mais que m'arrivait-il ? Une énorme bêtise venait d'être faite. Ma soif de découverte m'avait emmené très loin des miens, irrémédiablement. « Mais pourquoi cela ? » suppliai-je. Je me trouvais là, anéanti et confus. J'étais sans réaction devant ce soleil boulimique et rugissant. Quelle horreur ! Quel fin atroce ! Est-ce là l'avenir de l'humanité ? Mon guide me dit alors. L'espace et ses lois sont encore largement inconnus. Les hommes ont conscience de cette fin, mais en doutent également. Demeurant perplexes sur la structure de l'espace et de son évolution, sachant que tout peut changer. « Comment cela ? » répondis-je. « Vous me dites que les hommes ont conscience de cette fin ? Ne sont-ils pas anéantis ? Existent-ils encore ?»« Oui, Daniel, bien vivant dans un autre espace, au-delà de cette vision de perdition. » C'en était trop. Tous mes repères s'effondraient. Ce voyage à travers les univers semblait m'avoir affecté. Mon guide, s'apercevant de ma faiblesse, me saisit par la taille et, selon mes sensations, me porta. Mais aucun signe extérieur ne déterminait chez lui un quelconque effort. « Dites, » demandai-je, « que serait-il arrivé si j'avais continué ainsi à voyager ? Tu aurais été encore bien plus loin dans d'autres univers, un grand voyage dans un petit espace. Nous allons nous reposer ici et je t'expliquerai la spiritualité d'un monde que tu ne connais pas. » Pendant ces mots, nous descendions sur une planète que je n'avais pas vue alors. Notre approche était secondée par plusieurs autres entités semblant se diriger vers le même endroit. Nous arrivâmes dans un paysage vallonné où l'atmosphère était bleu foncé, presque noir. Il n'y avait que peu de végétation et des formes rondes jalonnaient la surface du sol, des détails me faisant penser que nous n'étions plus sur un terrain connu. Attentif, mon guide me dit « Daniel, nous sommes sur une planète habitée, analogue à la Terre, avec quelques différences essentielles. Une vie qui s'est adaptée à la géographie, la météorologie et l'atmosphère de cet endroit. Tu vas t'en apercevoir, les hommes sont ici l'aboutissant d'un cycle évolutif, comme les terriens d'ailleurs. L'esprit habilite son véhicule matériel selon les forces existentielles des mondes. Soudain, deux esprits s'approchèrent de nous. « Ils nous ressemblent, » dis-je. « Oui, Daniel, j'ai parlé de l'aspect matériel de ces gens, non de leur spiritualité, qui est la même pour tous. » Ces êtres s'adressèrent à mon guide sans que je puisse en recevoir une pensée. J'étais fatiguée et mes forces semblaient diminuer. Mon guide se dressa dans le ciel et disparut. Je me retrouvais là, seule et affaiblie, dans un monde inconnu, regardant tout à la fois deux aspects d'une même chose, un monde matériel et le second, spirituel. Je m'apercevais qu'ici aussi, la jonction entre les deux faces de l'existence était difficile à évaluer. Les choses spirituelles semblaient faire partie de la vie de cette planète d'une manière pondérable et visuelle. Certains esprits, que je percevais flottant dans l'espace, évoluaient sur ce monde avec des gestes et des actes que je considérais d'humains incarnés. Mais ma fatigue augmentait et j'avais grand mal à porter mon attention sur le paysage qui m'entourait. Je ressentais d'alarmantes douleurs et j'avais de grandes difficultés à mouvoir mon corps spirituel. Celui-ci semblait mal réagir dans cet astral. J'avais une fausse idée de cet endroit, moi qui pensais être dans un terrain acquis, identique à la Terre. Mais rien ne s'en rapprochait. Ah, ma Terre, elle me manquait. C'est incroyable comme les choses prennent de la valeur lorsqu'elles sont éloignées, même pour ceux qui se disent morts. Je me sentais exilée, j'éprouvais de la peine, me sentant pour la première fois orphelin. Je savais que la Terre était physiquement disparue et les paroles de mon guide, quoique se voulant rassurantes, m'assurant que l'humanité existait encore au-delà du temps, ne me contentaient pas. J'errais mentalement et l'énergie de rebelle que j'utilisais alors contre ma mère ne paraissait plus. Je tombais ici dans l'extrême de ce comportement. Ce lieu me devenait antipathique. Je voulais le quitter. Je m'y sentais mal. Mais où donc était parti mon guide ? J'avais besoin de lui et mes forces m'abandonnaient. Était-ce ma faiblesse qui m'obscurcissait la vision ? Peut-être que mon guide était là, à mes côtés, mais que mon cœur ne l'entendait plus ? Pourtant, je distinguais d'autres esprits, percevant un va-et-vient incessant d'entités humaines, surmontant une colline pour plonger dans la vallée en dessous. Mais qu'y avait-il derrière cette colline ? Un rendez-vous ? Une ville, peut-être ? Ma curiosité était encore forte, mais mon enthousiasme diminuait. J'éprouvais néanmoins le besoin de me rendre dans cet endroit mystérieux, mais ce désir ne me propulsait plus. À l'habitude, la pensée y suffisait. Ici, il fallait faire un immense effort pour faire quelques pas. J'étais confus. D'une situation de légèreté et de spontanéité, j'étais redevenu un poids astreignant, comme lorsque soudain l'on sort de l'eau. Tout à coup, je vis deux entités qui, sortant de la foule, se dirigeaient vers moi. M'avaient-ils vu ou bien se rendaient-ils en cet endroit sans faire attention à moi ? La peur m'envahit. Je voulus alors disparaître et fis des efforts considérables pour me bouger et me cacher. Je fis quelques mètres, tout juste assez pour me retrouver à leurs pieds. C'est alors qu'ils s'adressèrent à moi. « Que fais-tu ? Où vas-tu, Daniel ? Pourquoi rampes-tu ainsi ? Lève-toi donc et avance sans crainte et dignement. Tu es effrayé. Ce sentiment est absurde, d'un autre temps. Lève la tête, regarde-nous. » J'étais bloqué à terre, ma peur me paralysant. Je ne pouvais contrôler cette frayeur, accompagnée de sensations étranges. En effet, de l'air froid envahissait l'intérieur de ma poitrine, mes mains palpaient la terre où mon front était posé. Soudain, une forte poigne, prise sous mes bras, m'éleva du sol. De nouveau debout, je me retrouvais face à ces esprits, ou ces hommes, je ne savais plus, car la ressemblance était grande. « Où suis-je » demandai-je. « Sur une planète, un monde, un globe, c'est ainsi que sur Terre vous dépeignez les lieux d'existence ou les astres physiques. »« Oui, je crois, » répondis-je. « Je suis arrivé ici grâce à mon guide, un autre esprit. Celui-ci m'avait aidé à quitter mon obsession, il m'apprend l'existence. » « Nous le savons, Daniel, car nous le lisons en toi. Ici, tout est perçu, et ce que tu appelles le secret n'existe pas. La vie est spontanément partagée, et rien n'affecte la paix et la symbiose. Nous habitons ce monde depuis des centaines d'années. Notre existence physique est relative et secondaire. Notre densité atomique malléable répondant à nos besoins. En comparaison avec ce que tu connais de la matière, nous sommes dans l'éther, plus subtil que les fluides. Comprends-tu ? Vous dites que vos corps fluidiques sont pour vous semblables à ce qu'ils peuvent être pour nous sur Terre ou en situation d'incarner ? Oui, en quelque sorte, mais notre masse n'est pas issue d'une gestation, ni sujette à une décomposition. Nous existons et disparaissons selon les stimuli de notre évolution, suivant un désir divin. Ce monde est supérieur à la Terre, si nous devions le classifier. Grand nombre d'anciens terriens vivent aujourd'hui ici. Ayant achevé leur cycle terrestre, ils y poursuivent leur chemin à la croisée et à l'union du physique et du spirituel. Au-delà existe l'unité. Ces mots m'impressionnaient et je commençais à comprendre. Mon propre corps que je savais fluidique, pour avoir perdu ma chair sur terre après mon dernier souffle, trouvait ici une seconde densité humaine, mais supérieure. Voilà pourquoi je ressentais de la lourdeur. J'étais de nouveau vivant, respirant une sorte d'incarnation. Mon enthousiasme grandit et mon guide réapparut. Il me dit « Non, Daniel, les choses ne sont pas aussi simples et tu n'as raison qu'à moitié. Ton enveloppe fluidique, effectivement, correspond ici à un corps matériel dans un ordre atomique inconnu sur Terre. Esprit dans l'astral terrien, tu es devenu ici un homme handicapé car tu es inférieur. Ton esprit est incapable de ressentir la plénitude de ce monde. Tu ne peux vivre ici. Dans le cas contraire, cela serait une infâme épreuve. Puis, regarde autour de toi. Il n'existe pas d'infirme. Comprends-tu ? Il ne suffit pas d'approcher physiquement les choses pour les comprendre, ni de les toucher pour connaître le sens profond en espérant se les approprier. Tu es ici tenu par ma force, car cette atmosphère n'existe pas pour ta raison. Mais avant de partir, j'aimerais tout de même élargir tes visions, car cette expérience te sera utile pour plus tard. Viens. » J'étais soudain soulevé du sol, je m'élevais à la verticale au-dessus de la grande vallée. Les deux entités spirituelles s'éloignèrent en nous saluant. Ce que je vis alors me surprit. Il y avait au sol une multitude de sphères plus grosses les unes que les autres. Je savais par intuition qu'il s'agissait d'habitations, mais je ne percevais ni porte ni fenêtre. Mon guide vint confirmer mon jugement. Une planète étrange, sans animal, sans aucun oiseau dans le ciel, ni de véhicule ou autre objet technique. Mon guide me dit « Voici l'avenir de ton humanité. C'est la démonstration de la simplicité enrichie de multiples connaissances et la transition entre le besoin des formes et l'abolition des représentations matérielles par la recherche de la pureté de l'existence. Les formes que tu perçois sont réelles, mais invisibles aux sens humains. Nous sommes ici à la fusion des aspects matériels et spirituels. Plus haut dans les autres mondes, la vie n'est qu'unité. C'est à cela que tend la Terre. Elle ressemblera à cela un jour. Suis-moi maintenant. Nous allons dans un de ces foyers. » Nous traversâmes l'épaisse matière d'une des sphères sans en ressentir une quelconque résistance. Nous nous trouvâmes dans une unique pièce où demeuraient trois entités, ou hommes, j'avais de la peine à les différencier. Il n'y avait aucun meuble distinct dans la pièce, mais les objets apparaissaient et étaient utilisés suivant le désir des habitants. Mon guide me dit « C'est ici que l'on reçoit les nouvelles entités pour la naissance. La sexualité, l'accouplement et la naissance n'existent pas sous la forme matérielle que tu connais et l'union des êtres s'effectue dans un schéma plus subtil, tout entière dans la transmission d'énergie. Il n'existe aucune dualité, ni de domination, mais un partage spontané, car ici les êtres sont unis et transparents. L'esprit apte à y évoluer prend forme, assimilant son fluide spirituel à l'atmosphère subtile de cette planète, guidée par ses frères. Dès que la transition est faite, ils évoluent en subtilité dans l'univers. Comprends-tu cette existence, Daniel ? » Je ne répondis pas, continuant à scruter la scène. J'étais intimidée par le sourire des êtres et impressionnée par les naissances qui n'étaient autres que des apparitions spontanées d'où s'échappait une forte lueur. Sitôt arrivés, ces esprits partaient vers d'autres horizons. « Où vont-ils ? » demandai-je. « Ce sont des travailleurs assidus, s'occupant des univers et des êtres inférieurs. Beaucoup d'entre eux ont été visiter la Terre. Certains ont même pris forme humaine. Ceci est un enseignement délicat que je m'efforcerai de t'apporter. » Tout ceci restait énigmatique, mais je respectais ce silence. Nous quittâmes l'endroit à grande vitesse. En m'éloignant, je fus surpris par la beauté de l'astre qui finit par disparaître graduellement. Mon guide était loin devant moi. Il semblait pressé et j'éprouvais de la peine à le suivre. D'anciens réflexes surgissaient en moi et une angoisse me prit. J'appelais mon guide en le suppliant de m'attendre. La lourdeur que j'accusais alors sur cette planète semblait avoir affecté ma faculté du déplacement. « Où allons-nous » demandai-je à mon guide. « Pourquoi nous dépêcher ainsi? Y a-t-il un lieu particulier où vous voudriez m'emmener ?» Mon guide fit halte et sans faire demi-tour apparut soudain devant moi. « Daniel, sache qu'il n'existe pas de lieux spéciaux ni circonscrits dans l'univers. Sache aussi que le vide n'existe pas et que les distances séparant les mondes correspondent aux connaissances des esprits et à la manière de les appréhender. La distance qui te sépare de Dieu est la méconnaissance de ton moi profond, plus qu'une éternité qui, dans ton mental, est un terme sans profondeur et une fausse logique. » Nous suivons ici les impulsions de ta raison, qui elle-même se voit perturbée par ta conscience s'éveillant alors. Nous nous dirigeons dans une mentalité, la matière se formant autour de nos investigations. Je répondis alors, « Mais que vais-je devenir ? La Terre n'existant plus, je ne pourrais pas me réincarner et continuer à m'élever. Existe-t-il un autre lieu où je pourrais retrouver les miens ? Faut-il donc oublier les liens familiaux ? N'existe-t-il aucun moyen pour les retrouver ?» Mon guide me répondit, « Tu es donc aveugle et sourd. Ne t'ai-je pas habitué à te défier des jugements et à contourner tes sens ? L'humanité existe au-delà des apparences. La vision d'anéantissement que tu perçois est relative à un temps et un espace. Il faut ici aller plus loin et mûrir tes acquis. Tu viens de vivre une expérience intéressante. Ton cœur a été troublé. N'as-tu donc aucune question nourrissante pour ton évolution ? « Si, bien entendu, répondis-je. La première est celle-ci. J'ai compris que ce monde était un lieu de fusion du matériel avec le spirituel. J'ai compris aussi qu'il était issu d'un besoin, tout comme la Terre et les formes matérielles. Nous étions sur une planète de transition, mais en existe-t-il d'autres et comment s'effectuent les changements pour les autres espèces ? Je pense aux animaux. N'en existe-t-il pas dans les mondes supérieurs ?» Souriant, mon guide me dit « Daniel, tu n'as pas distingué d'animaux, car ceux-ci étaient dans le cœur des esprits supérieurs. En chacun de nous existe l'animal, car rien ne disparaît en conscience, tout s'additionne. Mais à force d'éveil, il se transforme. Tu cherches et veux comprendre, écoute donc et regarde. Mon guide continua alors son chemin, je le suivis interloqué et curieux. Mais où voulait-il me diriger ? Qui avait-il à voir et à entendre dans cette nuit infinie aux millions d'étoiles, semblant désertée ? C'est alors que j'entendis un léger craquement, puis des bourdonnements sourds et graves, comme l'orage au loin, mais un orage qui ne finit pas. Je vis soudain un étrange spectacle. Un nombre incalculable d'astres ou d'étoiles tournaient ensemble dans un bruit égal au gigantisme de cette drôle de valse. Des nouveaux venaient s'y joindre, puis d'autres et d'autres encore. Plus je portais mon attention sur ces choses, plus j'en percevais de nouvelles. Il y avait aussi d'immenses cailloux ou des morceaux de planètes. Tous venaient s'accoupler et se joindre à la danse. Mais à quoi rimait cette action mystérieuse ? Tu es ici dans un monde de transition, Daniel, celle du minéral et du végétal. L'un va devenir l'autre. La structure matérielle du minéral va devenir végétale et la spiritualité croître vers l'individualisation. La spiritualité qui est ici ne t'entend pas, mais elle est encore proche de Dieu, attachée au bloc divin. Continue donc cette observation. Les planètes et les étoiles étaient en fait attirées dans une sorte d'entonnoir sombre et sifflant. Les astres étaient aspirés irrésistiblement pour y disparaître. Mais que se passe-t-il ici ? C'est ici le centre de la transition où les planètes finissent leur cycle pour aller vers un autre, en l'occurrence le végétal. La transition matérielle est la résultante d'un éveil spirituel au-delà de toute expression matérielle. La matière que forment ces agglomérations n'est en fait qu'un aspect atomique du cycle végétatif. Je pensais n'avoir pas bien compris et essayais malgré tout de percevoir davantage de détails. Vous voulez dire que ces énormes masses tournant entre elles sont des atomes ? Je sais aujourd'hui que l'atome est le corps le plus petit de la matière. Comment cela est-il possible ? Mon guide me répondit. Non, Daniel, ce ne sont pas les plus petits. Il y en a encore beaucoup d'autres et indéfiniment l'esprit pourrait en trouver, comme il pourrait chercher indéfiniment à toucher Dieu. En fait, cette recherche se montrera caduque, puisque relative à un désir. L'évolution de l'esprit n'est pas dans les distances ni dans les éléments, mais bien dans la quête de son identité éternelle. C'est une interrogation qui nous amène tous à Dieu. Je ne t'ai pas induit en erreur et ces planètes deviennent végétales en le constituant. Ne sois pas étonné par les valeurs dimensionnelles. Elles ne représentent rien ici. Elles ne sont que la manifestation de la pesanteur du raisonnement humain qui, je te le rappelle, n'est pas l'apanage de la Terre. Des mondes comme cette dernière, il en existe à l'infini. Nous continuions notre route, je quittais cet endroit, doutant de l'utilité de cette découverte. À quoi pouvait bien me servir cet enseignement et cette confrontation avec l'impossible ? Je ne pouvais concevoir que les astres puissent devenir des fleurs, puis où ? Sur quel monde ? C'est alors que mon guide, captant mes pensées, me dit « Sur la terre, Daniel, et la matière de vos plantes est animée de l'esprit des minéraux. Nous essaierons plus tard de parfaire cet enseignement, bien que ton esprit en connaisse le principe. » En continuant dans l'astral, j'entendis alors des lamentations. Attentionné, j'essayais de percevoir d'où elles venaient. « Mais qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un souffre ici, j'entends des plaintes. » Mon guide s'approchant me dit « Tu entends des sons, tu penses recevoir des plaintes en un caractère de mal. Ces cris sont la manifestation d'une vie et de son acte au-delà de la souffrance systématique. Nous allons voir maintenant pourquoi cela. » C'est alors que ma surprise fut totale. Je me retrouvais soudain dans une bien étrange forêt où d'immenses arbres et végétaux de toutes sortes se tordaient et se tendaient comme dans l'espoir de s'arracher de leurs racines. Cette angoissante vision m'effrayait. Les végétaux gonflaient comme pour effectuer une respiration. Mais d'où venait cette fabuleuse énergie ? Daniel, me dit mon guide, nous sommes dans un autre monde transitoire, relatif à un besoin, rassemblant des esprits sympathisants. Nous sommes entre les espaces du végétatif et de l'animal. Ici, l'arbre comprend l'individualité par un besoin, l'animalité. Tu vis des instants sans âge, les coulisses de la préhistoire. Nous y reviendrons, mais pour l'heure, il faut que tu saches. Tout ceci est non situable. Les règnes de la vie sont à jamais parallèles et infinis. Tu t'apercevras plus tard que ces transitions sont unités, étalées dans le présent de la conscience. Tu es tout à la fois petit garçon et adulte, Daniel, ainsi que moi-même qui te parle. L'épreuve que je vivais m'indisposait, je me sentais bousculée, comme obligée. Mes visions corroboraient l'étrangeté des propos de mon guide. « Regarde-moi, disait mon guide, regarde le temps qui passe, songe à son mouvement. Il n'est pas statique, mais vit au gré des visiteurs. Le temps est encore cette lumière qui s'allume au fur et à mesure du déplacement dans le tunnel de l'évolution, structurant peu à peu l'espace ainsi déterminé. Le temps est le facteur déterminant de l'espace. Pourtant, celui-ci n'a pas d'existence essentielle et, Daniel, tu dois apprendre à le maîtriser, car au-delà d'une étreinte physique, il te masque la profondeur des choses. » Je voyais mon guide, là, devant moi, dans une bien étrange posture. Tout son être se mettait à briller fortement à la limite de l'aveuglement. Je ressentais une sorte d'oppression, puis une force entra en moi et dirigea ma conscience. La surface de son corps tremblait comme celle de l'eau agitée par le vent. Sa forme entière accusait de fortes variations. En fait, elle se transformait. Mon guide devenait tantôt une feuille, puis un arbre, une planète, un soleil et toutes sortes de bêtes, de monstres. Il se transformait aussi en choses gélatineuses, s'agglomérant les unes aux autres, puis en toutes sortes de couleurs. Il y avait aussi des étoiles, des astres perdus au milieu d'éclairs qui semblaient déchirer la structure de mon guide. Je restais abasourdi. Tout allait très vite, de plus en plus vite, si bien que la succession des états, devenue imperceptible, laissait place à une unité, un seul état indéfinissable. J'en ressentis un choc qui me bouscula et me fit reculer. Je pris soudain peur et devins interrogatif. Mais pourquoi cette destruction ? Je vivais une expérience incompréhensible. Pourquoi mon guide se prêtait-il à ce manège inquiétant qui n'exprimait pas la douceur ? Pourquoi disloquait-il ainsi sa forme spirituelle pour en changer aussitôt et ceci avec la vitesse de l'éclair ? Devant moi existait maintenant une énorme vibration, véritable bouillon d'acquisition. Intuitivement, je pensais que mon guide voulait peut-être me démontrer la relativité du temps en superposant ses multiples expériences au présent. « Oui, Daniel, dit mon guide, avec une voix lointaine et résonnante, regarde-moi avec ton esprit, élève ta conscience et contrôle ta logique humaine. » C'est alors qu'effectivement, je perçus mon guide. Les milliers de transformations formaient son être. Je retrouvais là son large sourire et son image se stabilisait. Puis il continua son explication. « Daniel, tu viens de vivre mes existences antérieures, qui existent aussi en toi. Ce passé est encore actif et est la structure d'aujourd'hui. Ce que tu vois de moi n'est que la multiplicité de ma vie à travers l'éternité. Cette vie existe en des espaces insondables, autant de vies dites antérieures qui, loin des chimères temporelles, s'exécutent maintenant. La lueur que tu percevais au début et pendant était et est la fusion divine, car pour l'absolu, la fin vaut le début. De notre évolution ressortira une conscience toute puissante et non un Éden spacieux et mesurable. » Sidéré, je répondis. « Vous voulez dire qu'en vous regardant, je perçois en fait toutes vos expériences en un instant ?»« Oui, Daniel, et tu vis aussi les tiennes à travers moi, car par l'absolu, nous sommes unitaires et pouvons ressentir la vie, le bonheur et le malheur de tous nos frères. Comprends-tu pourquoi je te disais que les mondes transitoires au règne n'étaient pas localisables ?» Il faut que tu le saches, Daniel. Ce que tu as vu de ces mondes était en fait tes propres passages évolutifs. » Ces mots me plongèrent dans une profonde réflexion. Continuant à regarder mon guide, je le sentis comme impatient, à l'exemple des parents désireux d'entendre la réponse à leurs questions. Alors, je dis : « Je suis ces planètes, je suis ces arbres s'animant, nous avons vécu les mêmes choses et emprunté le même chemin, et je viens de prendre conscience de ma route à travers la vôtre. « Oh, mon guide !»« Oh, Daniel !» proclama mon guide, « tu n'es pas loin de la vérité. Tu as compris et tu ne chercheras pas à localiser l'espace des transitions. Tu ne les appréhendras pas avec l'équation de la raison, ni avec ton cœur, mais avec ta conscience qui englobe ces choses. La vérité n'est pas illogique, mais elle n'a pas de densité temporelle. Tu le remarques de plus en plus, Daniel. Ce qui obstrue l'entendement humain est la fausse idée du temps. » Mon guide prononçait ces phrases avec verve et éloquence. Son regard était profond et captivant. une silhouette qui pour moi était représentative de ce que devait être la perfection. Ses explications, ses discours avaient quelque chose de puissant. C'était comme s'il les disait à partir de mon propre être, comme si elles venaient de mon esprit. Ces multiples leçons m'incitaient à réfléchir, et ainsi j'essayais de comprendre davantage les rapports que j'avais avec mon guide. L'étroite sympathie qui régnait entre nous m'obligeait à me demander s'il se trouvait autour de moi ou à l'intérieur même. Son enseignement sur la relativité du temps pouvait laisser ici libre cours à toute imagination ou toute investigation aléatoire. Mais j'étais persuadée qu'il voulait élargir ma vision sans me laisser, bien sûr, sans mesure dans cet astral extraordinaire. Je voulais en savoir toujours plus, et pourtant je ne pouvais m'empêcher de douter de l'utilité de tout cela. Pourquoi donc vivais-je des épreuves ou des expériences qui ne semblaient pas a priori m'enrichir, puisque souvent difficiles à sonder? Mon guide intervint là-dessus. « Daniel, tu évalues mal cette situation. Si aujourd'hui tu découvres des horizons inconnus, c'est que de toi-même tu les as devinés, et parce que je te les ai montrés, car pour l'heure, tes désirs humains encore puissants ne pouvaient seuls t'emmener ici. Ton mental ne connaît pas ces repères spirituels. Seul ton esprit en a le réflexe. Je n'ai fait, quant à moi, que suppléer tes forces psychiques sans jamais les diriger à ta place. C'est ton esprit qui est à la base de ces voyages et rencontres. Tu voulais découvrir l'univers et les mystères, mais au plus profond de ta raison, le besoin de voir était supérieur à celui de comprendre. Tu vis ici la manifestation d'une volonté qui, au-delà de la nôtre, est celle de Dieu. Il faut savoir, Daniel, que le Tout-Puissant est toujours en harmonie avec notre essence. On ne peut être en désaccord avec lui. Mais revenons à tes préoccupations. Que désires-tu? Que choisis-tu? Le chemin de la connaissance ou celui de tes envies? Oh, rajoutai-je, je ne sais plus très bien. Je perçois des choses me laissant tout à la fois perplexe et heureux. Voici une dualité lassante et semble-t-il sans rémission. Ce voyage dans le temps a affecté ma curiosité. Je commence à me désintéresser du monde et de ses formes et des lois. Un sentiment d'inutilité m'envahit. À quoi sert donc l'éternité? Je veux dire, que pouvons-nous faire ici, au milieu de l'illusion et de la relativité, où les repères que l'on croit saisir s'évanouissent à la moindre bifurcation spirituelle? Existe-t-il un lieu où l'on peut aider les hommes? Tout en souriant et en croisant les bras, mon guide me répondit. Daniel, je comprends tes angoisses. Elles proviennent de ton antériorité plus que d'une inspiration. Tu parlais du temps, mais il faut savoir se le donner, le trouver et le consacrer aux besognes charitables. Aujourd'hui, nous nous intéressons à ton éveil, mais demain, tu vivras autre chose de plus constructif. Mais avant de paraître négatif, ne crois-tu pas que les racines sont autant utiles que le feuillage de l'arbre? Ne doit-on pas attendre que la première rangée de briques soit posée pour entamer la seconde? Faute de ne pas trouver le temps qu'il te plaît d'avoir, sache, Daniel, que tu n'en perds pas non plus. Au contraire, tu t'octroies des forces. Mon guide se voulait rassurant et me demanda de le suivre. Connaissant mes tourments, il me demanda « Veux-tu voir ta mère, Daniel ?» Cette question me fit un choc, une secousse qui me rappela les choses que j'avais laissées derrière moi. Mais quoi répondre? La terre était loin et cette atmosphère étrange où tout semblait possible. Mon guide reprit « Ne pense plus à l'anéantissement de la terre, ni aux distances parcourues. Ne crois pas au vide et au sens que les choses enferment. Tu peux contourner et supprimer les intermédiaires en embrassant l'unité. Tu es ici soutenu par mes fluides, et par-delà la lassitude des passages, je peux te ramener dans l'espace terrestre. Ta mission t'ouvre les régions de la simplicité vibratoire, outrepassant les états d'éveil seuls pouvant te montrer ces choses. Tu témoigneras de cela, Daniel. L'esprit peut tout, et rien n'est écrit sans retour. Viens, n'aie donc aucune crainte. » M'avançant vers mon guide, je lui tendis mes bras. Celui-ci les saisit et aussitôt, une sensation de fraîcheur m'envahit. Puis soudain, la magie opéra.